Proverbe chapitre 10. L'enfant sage réjouit son père, mais l'enfant insensé est l'ennui de sa mère. Les trésors de méchanceté ne profiteront de rien, mais la justice garantira de la mort. L'Éternel n'affamera point l'âme du juste, mais la malice des méchants les pousse au loin. La main paresseuse fait devenir pauvre, mais la main des diligents enrichit. L'enfant prudent amasse en été, mais celui qui dort durant la moisson, est un enfant qui fait honte. Les bénédictions seront sur la tête du juste, mais la violence couvrira la bouche des méchants. La mémoire du juste sera en bénédiction, mais la réputation des méchants sera flétrie. Le sage de cœur recevra les commandements, mais le fou de lèvres tombera. Celui qui marche dans l'intégrité, marche en assurance, mais celui qui pervertit ses voies, sera connu. Celui qui fait signe de l'œil, donne de la peine, et le fou de lèvres sera renversé. La bouche du juste est une source de vie, mais l'extorsion couvrira la bouche des méchants. La haine excite les querelles, mais la charité couvre tous les forfaits. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme intelligent, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages mettent en réserve la science, mais la bouche du fou est une ruine prochaine. Les biens du riche sont la ville de sa force, mais la pauvreté des misérables est leur ruine. L'œuvre du juste tend à la vie, mais le rapport du méchant tend au péché. Celui qui garde l'instruction, tient le chemin qui tend à la vie, mais celui qui néglige la correction, se fourvoie. Celui qui couvre la haine, use de fausses lèvres, et celui qui met en avant des choses diffamatoires, est fou. La multitude des paroles n'est pas exempte de péché, mais celui qui retient ses lèvres, est prudent. La langue du juste est un argent choisi, mais le cœur des méchants a bien peu de choses. Les lèvres du juste en instruisent plusieurs, mais les fous mourront faute de sens. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. C'est comme un jeu au fou de faire quelque méchanceté, mais la sagesse est de l'homme intelligent. Ce que le méchant craint, lui arrivera, mais Dieu accordera au juste ce qu'il désire. Comme le tourbillon passe, ainsi le méchant n'est plus, mais le juste est un fondement perpétuel. Ce qu'est le vinaigre aux dents, et la fumée aux yeux, tel est le paresseux à ceux qui l'envoient. La crainte de l'Éternel accroît le nombre des jours, mais les ans des méchants seront retranchés. L'espérance des justes n'est que joie, mais l'attente des méchants périra. La voie de l'Éternel est la force de l'homme intègre, mais elle est la ruine des ouvriers d'iniquité. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants n'habiteront point en la terre. La bouche du juste produira la sagesse, mais la langue hypocrite sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants n'est que renversement.